Il y en a certains qui sont plutôt chênes que sapins, nous on est sapins, surtout au moment de Noël. Donc on a fait une chanson qui s'appelle Ça sent le sapin, on a beau être au mois de juin, on vous la ressort quand même. Quitter la table, tu t'étais encore mis minable. T'es sorti dehors pisser quand tu as levé le nez. Pourtant tu n'y croyais plus, et pourtant tu l'as vu. Il était là dans le ciel, c'était lui le Père Noël. De ce vioc, t'en avais mis plein ton froc. T'as grimpé dans ton auto, décidé à lui faire la peau. T'as coupé à travers les bois, en volant à 2 grammes 3. Pas facile de rouler de nuit, avec l'autre main sur le fusil. T'as pris ton temps pour ajusté à un arrêt sur une cheminée, facile avec son manteau rouge comme un vieux bandeau. Il est tombé raide du toit, arrivé au sol déjà froid. Et voilà, t'es bien content, y'aura pas de Noël pour les enfants. Papa, papa, pourquoi il y a encore rien? Cette année, sous le sapin. Papa, papa, il y a encore rien. Ah, cette année, sous le sapin. Papa, cette année, sous le sapin. Ouh. Allô, feu du visage, pas les bonnes. Non, ça va, ça chauffe, c'est bon ça.